La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Tête, tête, tête, tête. Carré. Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. S'allonger dans l'herbe, fermer les yeux et se concentrer sur le chant d'un oiseau pas très loin. Marcher en forêt, prendre une grande inspiration pour apprécier une odeur d'humus ou de résine qui n'a jamais éprouvé les vertus apaisantes et déstressantes de la nature. Des études en psychologie et en neurosciences se sont intéressées à la manière dont la nature agit sur notre cerveau. Il en ressort que ses effets ne se limitent pas au sentiment de bien-être. Le contact avec la nature favoriserait également les fonctions cognitives comme la concentration ou l'apprentissage en réduisant la fatigue et en restaurant les capacités d'attention. Alors comment les scientifiques expliquent-ils ces bienfaits sur notre corps et notre organisme? Devrions-nous faire plus de place à la nature dans nos vies? Et comment garder le contact avec la biodiversité quand on vit en zone urbanisée comme 80% des Français? On s'intéresse à ces questions cet après-midi dans le dossier de La Tête au Carré. Je vous présente dans un instant les invités de cette émission en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho. Et pour la une de la science, c'est le retour d'Héloïse Rambert. Bonjour Héloïse. Bonjour Daniel. À la une, on parle d'un jeu vidéo qui aide à la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Oui Daniel, le nom du jeu en question, c'est Sea Hero Quest, en bon français, la quête du héros de la mer. On en parle aujourd'hui parce que des chercheurs ont réussi à montrer que des mauvaises performances à ce jeu pourraient permettre d'aider au repérage précoce de signes de la maladie d'Alzheimer. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission est réalisée par Céline Hila. Elle a été préparée par Lucie Serfati. La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter. Invité aujourd'hui, allez, Alix Kosker, chercheuse en psychologie environnementale, et Sébastien Boller, rédacteur en chef du magazine Cerveau et Psycho. Bonjour à tous les deux. Sébastien Boller, le dernier numéro de Cerveau et Psycho dont nous sommes partenaires est dans les kiosques avec en couverture cette question: comment la nature fait du bien à notre cerveau? Est-ce qu'on est sûr d'abord que la nature fait vraiment du bien au cerveau de tout le monde, à tout le monde? Absolument, bah oui, il faut essayer, il faut faire l'expérience. Mais oui, oui, oui, c'est particulièrement important à souligner. Aujourd'hui, où on sait qu'il faut prendre soin de l'environnement avec les échéances climatiques. Mais je pense que c'est très important de dire que ça nous reviendra. C'est-à-dire qu'on en bénéficiera nous-mêmes. J'ai un arbre de plus dans ton jardin, c'est un neurone de plus dans ton cerveau. Ouais, donc, jolie formule. Voilà. Et je crois que c'est ça. Il faut savoir qu'on va aussi se développer. Même si on prend une attitude de pur développement personnel, hein, si au départ on n'a pas forcément grand-chose à faire de la nature, parce que certaines personnes ne sont pas forcément très sensibles, bah, il faut qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas vivre vraiment bien sans. Et nous sommes actuellement en train de nous couper de la nature, Alix Kosker. Oui, au point qu'on peut éventuellement parler d'une déconnexion. Ouais. Alors ce qui est sûr, c'est que durant les dernières décennies, notre rapport à la nature a beaucoup évolué, et notamment dans un sens d'un éloignement à la fois physique et psychique des espaces naturels, ce qui amène à poser cette question de la déconnexion. Alors après, peut-être qu'on développera ce qu'on entend par là et quelles sont les conséquences sur notre santé à la fois et sur l'environnement. Oui, parce que ça pourrait avoir des conséquences sur notre santé, hein, Sébastien Boller, cette rupture avec la nature, ça pourrait avoir des effets sur notre bien-être. Oui, déjà il y a des effets sur la santé mentale, hein, qu'on connaît. Il y a des études qui ont bien établi maintenant qu'on a plus de risques de développer certaines pathologies mentales quand on vit en ville, dans les grandes métropoles. Hein, c'est vraiment proportionnel à la taille de la ville et à l'âge aussi auquel on a été exposé. Ouais. À l'environnement urbain. Il y a des risques de plus de 50% qui peuvent être augmentés pour certaines pathologies mentales. Et c'est pas uniquement lié à la pollution, parce qu'effectivement aussi la pollution peut, ouais, avoir un impact. Des études récentes qui montrent que ça augmente le risque de psychose, notamment par un simple effet biochimique sur le fonctionnement du cerveau. Mais là, on parle de l'effet cognitif, voilà, de, ouais, la nature, de par les connexions très ancestrales qu'on a avec elle, a un effet protecteur sur notre psychisme. Ça. Donc, il y a cette idée, hein, qu'on retrouve dans votre magazine Cerveau et Psycho, que le cerveau s'est développé dans la nature, dans l'environnement, bah, on oui, a coévolué oui, avec elle, et forcément, il y est attaché presque. Il y a cette empreinte génétique dans notre cerveau. L'évolution du cerveau, quand on parle de l'évolution naturelle, la sélection naturelle, voilà, le fait qu'on est issu d'organismes très anciens. En fait, nos gènes ont été, pendant des millions d'années, en contact avec un environnement naturel. Et donc, ils ont été aussi sélectionnés pour être en accord avec le milieu naturel. Et aujourd'hui, en fait, si on prend l'histoire de l'humanité, pendant 99% de notre histoire, Homo sapiens, quoi, c'est 200 000 ans, on a été dans des milieux naturels. Et d'un seul coup, à l'échelle des révolutions industrielles, de l'urbanisation, ouais, ça a basculé complètement. Notre cerveau n'a pas eu le temps de s'adapter à ça. On s'intéresse aux bienfaits de la nature sur notre cerveau dans la tête au carré cet après-midi. Et pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. Tout comme le garçon a sauvé les souvenirs de son père, maintenant vous pouvez sauver les souvenirs futurs. Venez jouer à Sea Hero Quest, le premier jeu au monde qui aide les scientifiques à combattre la démence. Le jeu vidéo Sea Hero Quest et ses promesses pour la recherche contre la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, Héloïse, à la une de la science. Oui, Daniel, parce que le jeu ne sert pas qu'à s'amuser, hein, loin de là. Il a été conçu par des chercheurs de deux universités anglaises et lancé en 2016. Depuis, 4 millions de personnes y ont joué partout dans le monde et chacune d'entre elles, à son échelle, a fait avancer la recherche. En analysant les capacités d'orientation des joueurs, les chercheurs en ont tiré un modèle qui pourrait permettre de repérer très précocement un risque de développer une maladie d'Alzheimer. Ces résultats très prometteurs sont publiés dans la revue PNAS. Pour en parler, on reçoit Antoine Coutreau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, vous êtes basé au laboratoire des sciences du numérique à Nantes et vous avez participé à l'étude. Alors déjà, pour commencer, embarquez-nous un peu dans Sea Hero Quest. À quoi ça ressemble, en quoi ça consiste ce jeu? Alors c'est un jeu vidéo qui est disponible sur smartphone ou sur tablette. Et donc on incarne le capitaine d'un bateau qui doit retrouver les souvenirs égarés de son père. Et donc, pour ce faire, il y a différentes tâches. Donc, il navigue dans des bras de mer, dans des entrelacs, dans des espaces plus ouverts. Une des tâches, par exemple, au début du niveau, on vous montre une carte en disant vous êtes ici, vous regardez dans cette direction. Vous devez aller le plus rapidement possible au bouée numéro 1, 2 et 3. C'est bon, vous l'avez mémorisé, la carte disparaît. Et la personne y va le plus rapidement possible. Donc ça joue sur le sens de l'orientation du joueur. Ouais, c'est vraiment, ça a été conçu pour quantifier différents aspects du sens de l'orientation du joueur. Parce que donc il y a plusieurs, c'est un processus cognitif qui est assez complexe, il y a différentes dimensions. Et donc on a adapté des tâches classiques de la littérature en navigation spatiale, on les a rendues ludiques dans un jeu vidéo, pour qu'un maximum de gens puissent y jouer. Mais dans votre travail, ce n'est pas plus la capacité à jouer aux jeux vidéo que vous analysez par rapport au pur sens de l'orientation? On peut imaginer que des personnes âgées que vous avez testées sur ce jeu vidéo étaient de toute façon moins à l'aise que des jeunes, même si en dehors de ça, elles pouvaient avoir un bon sens de l'orientation. Alors effectivement, ça c'est une très bonne question. Donc ça on a vraiment porté beaucoup d'attention à ce problème de différentes façons. Déjà, on a rendu le jeu extrêmement simple à jouer. C'est-à-dire qu'il n'y a que 3 commandes en tout et pour tout. Taper à droite pour aller à droite, taper à gauche pour aller à gauche, aller vers le haut pour accélérer. Et c'est tout. Bon, ça suffit pas pour dire qu'il n'y a pas d'effet de l'habileté au jeu vidéo qui viendrait surpasser celui de la capacité à s'orienter dans l'espace. Donc on a effectué une expérience supplémentaire où là on a fait venir des gens en laboratoire, on les a fait jouer aux jeux vidéo et ensuite on les a emmenés dans les rues de Londres et de Paris pour leur faire accomplir une tâche similaire. Et on a observé une très forte corrélation entre les performances des gens aux jeux vidéo, d'accord, et dans la vraie vie. Et alors, comme on disait, 4 millions de joueurs ont participé, c'est énorme, ça vous fait une base de données titanesque. À quoi ça vous a servi ? Ouais, c'est vraiment une énorme base de données qui va nous occuper pendant un bon bout de temps. Ça nous a servi à pas mal de choses déjà. Donc, la première étude sur cette base de données date de l'année dernière et on a pu montrer qu'il y avait, en quantifiant simplement la performance un peu grossière à ce jeu, qui résume plein d'aspects différents, que ça déclinait très fortement avec l'âge, de manière linéaire, dès le premier âge qu'on a testé, c'est-à-dire 18 ans. Déjà. Ouais, déjà. Qu'il y avait un effet du genre, c'est-à-dire que à cette tâche-là, les hommes sont meilleurs que les femmes, mais que cet effet était mitigé par le pays, donc la culture du joueur. C'est-à-dire que un pays dans lequel, au niveau social, l'homme et la femme sont très différents, comme ça peut être le cas par exemple en Arabie Saoudite, eh bien on va observer dans le jeu vidéo une différence beaucoup plus grande que l'on observerait en Scandinavie, par exemple. Et alors là, quel est le lien avec la maladie d'Alzheimer? Le lien entre le sens d'orientation et la maladie? C'est depuis quelques temps, c'est assez récent, mais on s'est rendu compte que le sens de l'orientation était une des premières capacités cognitives à être affectés par le développement de cette maladie. C'est-à-dire avant même que d'autres facteurs qu'on connaît plus souvent comme la perte de mémoire, une altération du comportement arrivent, eh bien, notre capacité à s'orienter dans l'espace était déjà affectée. Alors le gros problème, c'est que cette capacité à s'orienter dans l'espace, bah, elle est extrêmement distribuée dans la population. C'est-à-dire que moi, je suis très mauvais en orientation. Moi aussi. Ma femme est très forte en orientation et ça ne présuppose rien de notre du risque que l'on a plus tard à développer Alzheimer. Il vaut mieux rassurer nos auditeurs. Si on est mauvais en un mauvais sens de l'orientation, c'est pas pour ça que on pas a plus tout. De risques. Par contre, c'est peut-être si notre capacité à s'orienter dans l'espace évolue au cours du temps, là, c'est un signe, c'est alors, ça. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important de suivre ce qu'on appelle longitudinalement, donc dans le temps, la capacité des gens. Mais c'est pas toujours possible. Quand un patient va voir son neurologue pour la première fois, il ne peut pas savoir comment étaient ses performances par le passé. Et donc, il est important de quantifier différents facteurs que l'on connaît dans la littérature qui vont impacter le sens de l'orientation. Donc là, je vous ai mentionné l'âge, qui est évidemment le plus gros facteur qui vient moduler cette capacité cognitive. Il y a l'âge, mais il y a aussi le niveau d'éducation, l'endroit où on habite, si on habite dans un milieu naturel ou dans une ville. Il y a la façon dont on se déplace, de nombreux facteurs qui ont été identifiés dans la littérature. Donc pendant que les gens jouent, on leur pose des questions sur leur profil démographique. Donc ils ont le choix de remplir ou ne pas remplir ces questions. Mais allez-y. Donc là, vous avez fait une étude particulière pour cette publication. Vous avez essayé en fait d'évaluer l'importance de la perte de l'orientation dans la maladie. Racontez-nous ce que vous avez fait comme étude. Ouais. Donc effectivement, là, on s'est vraiment penché sur l'aspect clinique des choses. Autant au début, on avait commencé à regarder la population générale qui avait joué au jeu. C'était tout un chacun, vous et moi. Personne n'était prédisposé à la maladie d'Alzheimer. Et là, on a fait venir des gens au laboratoire, donc 150 personnes, et on les a génotypés. C'est-à-dire qu'on a regardé précisément quel allèle, un gène particulier qui s'appelle ApoE, donc c'est apolipoprotéine, et dont différentes versions rendent les gens plus ou moins à risque de développer la maladie lorsqu'ils vieilliront. Donc il y a principalement deux grosses versions de ce gène qu'on appelle E3E3. Donc ça, c'est la population générale qui le porte, 75%. Donc ces gens-là ont une probabilité moyenne de développer la maladie. Et une autre allèle qui s'appelle E3E4, où là, les gens ont 3 à 4 fois plus de chances de développer la maladie d'Alzheimer. Donc on a génotypé les gens qui sont venus dans notre laboratoire. On les a fait jouer au jeu. Et alors qu'ils n'avaient absolument aucun signe précurseur, c'est-à-dire les tests classiques pour évaluer s'ils étaient ou non en début d'Alzheimer étaient négatifs, et bien pourtant on a repéré des grosses différences au niveau des performances au jeu. Une petite question pour terminer, il va falloir attendre encore longtemps, vous pensez, pour qu'il y ait des applications cliniques réelles pour le diagnostic Alzheimer qui reste encore très difficile à repérer précocement? Oui, alors ça, bien sûr, le monde clinique, ça prend toujours beaucoup de temps à valider avant d'être implémenté dans la vraie vie. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très prometteur, car un effet même précoce chez des gens non cliniquement au stade préclinique donne des effets assez forts et vraiment quantifiables. Merci Antoine Coutreau. Je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS basé au laboratoire des sciences du numérique de Nantes. Et Héloïse, à demain. À demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'épave d'un cargo australien qui avait coulé il y a 77 ans vient d'être retrouvée au sud-est de l'Australie. Elle repose par 700 mètres de fond à une centaine de kilomètres des côtes et semble relativement intacte. Il s'agit du SS Iron Crown, un navire qui avait été torpillé par un sous-marin japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. 38 des 43 personnes à bord avaient péri. Les archéologues qui ont annoncé cette découverte ont expliqué avoir cartographié le site et le plancher océanique aux alentours. Ils ont aussi pris des photos de la structure du navire pour créer une image de l'ensemble du site à des fins de préservation et de gestion. Une étude parue lundi dans la revue PNAS souligne une fois de plus l'emballement de la fonte des glaces au Groenland. Des chercheurs ont recalculé la perte des glaces dans la région depuis 1972, date de la mise en orbite des premiers satellites chargés de photographier régulièrement le Groenland. Ils ont utilisé différents modèles scientifiques pour remonter dans le temps et reconstruire en détail où en était la glace du Groenland dans les années 1970 et 1980. Conclusion des scientifiques, la glace fond 6 fois plus vite aujourd'hui que dans les années 1980. Pour la première fois, des chercheurs ont pu observer de l'eau expulsée de la surface lunaire par un impact de météorite. C'est en analysant les données récoltées par LADEE, un orbiteur qui explore l'atmosphère lunaire, qu'une équipe de la NASA a fait cette découverte publiée dans la revue Nature. Les scientifiques ont mesuré la présence de molécules d'eau dans l'exosphère de la Lune et ont noté que ces molécules étaient beaucoup plus nombreuses à certains moments. Et ce seraient donc les météorites qui, en s'écrasant sur le sol de notre satellite naturel, en expulseraient de très faibles quantité d'eau qui y sont enfouies. Dans un instant, on s'intéresse aux bienfaits de la nature sur notre cerveau dans la tête au carré. Pour adresser une question à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque, entreprise à haut risque. Les curés en chaleur, les idoles en pleurs. Les mémés les plus louches, n'ont que ça à la bouche. À de grâce, arrêtez de vous badigeonner. De cette pile idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnissant. Délicat militaire, épargnez nouveau glaire. Vénus au stade creuse, mets la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. C'est bon pour les gogos. L'amour, l'amour, l'amour, toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus au stade creuse, mets-la donc en veilleuse. Va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau. C'est bon pour les gogos. Pipeau, c'était Brigitte Fontaine. Je bois à la mère nature, aux collines odorantes. Je bois aux cigales, à la brise, aux roches millénaires. La tête au carré sur France Inter. Comment la nature fait du bien à notre cerveau, tel est le thème de la tête au carré cet après-midi, émission en partenariat avec le magazine Cerveau et Psycho qui aborde la question dans son dernier numéro. Autour de la table, Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, et Alix Kosker, chercheuse en psychologie environnementale au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier. Alix Kosker, quel type d'études mènent exactement les chercheurs en psychologie environnementale ? Alors on va s'intéresser, donc la psychologie environnementale, c'est une discipline qui étudie les interrelations entre les individus, donc individus entendus comme personnes, sujets qui pensent, qui agissent, et à ses relations avec leur environnement. Un environnement aussi entendu dans un sens large, donc c'est ouais. Le contexte à la fois social et physique. D'accord. Donc c'est pas forcément avec la nature, ça peut être avec un environnement de bureau, ça peut être un environnement urbain, c'est comment on interagit avec ce qui nous entoure. Voilà, exactement. Et donc la spécificité de la discipline, c'est d'intégrer les aspects psychologiques justement dans l'aménagement et dans la protection de l'environnement. Ouais. Et alors vous particulièrement, c'est la nature qui vous intéresse. Voilà, pour mon cas, c'est les interrelations des individus avec l'environnement naturel et avec la biodiversité. Ouais. Votre thèse d'ailleurs portait, donc c'est l'attention à la biodiversité dans la vie quotidienne des individus. Quel type de découverte vous avez faite dans ce domaine ? Donc la recherche durant cette thèse portait principalement sur des espaces en majorité urbaines. Et donc, je me suis intéressée à toutes ces relations qui peuvent exister des gens avec la nature dans un cadre, dans le cadre de leur quotidien, de leur pratique de tous les jours. Comment vous menez ces études sur le terrain concrètement? Comment vous procédez? Alors, il y a différentes méthodes. En l'occurrence, on a essayé différentes approches, des approches plutôt qualitatives, des approches plutôt quantitatives. Pour les approches qualitatives, on va aller sur le terrain rencontrer des gens qui ont une certaine relative de relation avec la nature. Ça peut être des gens qui font du jardinage chez eux, des gens qui participent à un jardin partagé, un jardin ouvrier, des gens qui ont certaines habitudes de consommation, des gens qui participent à des observatoires de biodiversité aussi. Est-ce que dans l'eau, il y a des gens que la nature angoisse? Parce que là, on est très positif depuis le début de cette émission sur les bienfaits de la nature. C'est vrai que c'est aussi un lieu qui peut être inquiétant. On s'imagine perdu dans une forêt en pleine nuit avec l'orage qui gronde. C'est pas forcément rassurant, la nature. Est-ce qu'il y a des gens que ça angoisse? Alors moi, j'en ai pas beaucoup rencontré, par exemple, au cours des entretiens. Par contre, il y avait des gens qui disaient avoir une certaine défiance ou plutôt un désintérêt vis-à-vis de cette nature-là et qui, au fur et à mesure de leur pratique, ont vu évoluer cette relation qui allait vers plus d'ouverture. Mmh. Effectivement, la nature, ça peut aussi être une source de stress pour des gens qui ont peu l'habitude de la côtoyer. Ouais. De façon générale, de quelle façon évoluent nos interactions avec la nature, Sébastien Boller? Bah, elles évoluent plutôt dans le mauvais sens, puisqu'on n'arrête pas de s'urbaniser de plus en plus. Ouais. On est un petit peu, je trouve, dans une posture, entre guillemets, schizophrène, actuellement, avec les préoccupations pour l'environnement, les préoccupations pour le climat, la prise de conscience, soi-disant. Et d'un autre côté, un mouvement qui continue à aller à l'inverse. C'est-à-dire que on est de plus en plus dépendant des technologies. Dans beaucoup de régions du monde, on va de plus en plus vers les grandes métropoles, et notamment dans les pays émergents, avec des problèmes liés aussi à l'artificialisation des sols, l'évolution de l'agriculture industrielle, qui est très difficile à inverser. Donc, je crois que c'est un tournant, parce qu'on commence à savoir ce qu'il faudrait faire, mais on continue de faire ce qu'il faut pas. Donc ça, c'est très humain, mais l'évolution, je trouve, il est temps qu'elle change, effectivement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce dossier aussi, c'est que on dispose enfin d'éléments scientifiques très tangibles, qui montrent vraiment que le fonctionnement de notre cerveau, il est vraiment impacté. On sait dans le moindre détail comment notre cerveau réagit à certains motifs visuels qui sont caractéristiques, par exemple des forêts, des montagnes, des scènes visuelles. Et on arrive à un portrait de l'humain qui est vraiment celui d'un animal fait pour être dans la nature et qui nous impose un devoir maintenant moral, un devoir d'action. C'est pour ça qu'il y a tant d'initiatives aussi qui sont prises. Et il faut voir jusqu'où ça va aller, et avec une capacité ou pas à changer nos habitudes. Alix Kosker, ce lien que nous tissons avec la nature, il se joue dès l'enfance, c'est-à-dire que ce sont nos souvenirs d'enfance qui nous lient à la nature. Il y a un rendez-vous que l'on peut manquer, et toute notre vie, du coup, être moins sensible à la biodiversité qui nous entoure si on s'y est pas éveillé tôt. Alors, il y a quelque chose de très fort, c'est évident, qui se joue dans l'enfance. Après, ce serait, je trouve, trop pessimiste de dire que si c'est fichu, voilà, s'il n'y a pas eu de relation dans l'enfance, après c'est fichu plus tard. Je pense que c'est pas le cas. Hein. Par contre, effectivement, il y a des études qui montrent que le temps passé en nature ou en interaction avec des éléments de nature pendant l'enfance va avoir un impact sur la manière dont on va se représenter la nature et même sur les comportements dans sa vie d'adulte. Mmh. Notre cerveau, Sébastien Boller, se développe moins bien, fonctionne moins bien s'il n'est pas baigné un peu de temps en temps dans un bain de nature. Oui, il y a plusieurs effets qui sont mesurés expérimentalement, notamment chez les enfants qui grandissent en milieu naturel ou en ville. Alors d'abord, effectivement, plus on grandit dans une ville, une grande ville, donc soumise à toutes les nuisances qu'on connaît, au rythme de vie élevé, à l'absence de végétation, plus il y a une sorte de découplage qui se fait entre deux parties du cerveau, l'une qui est responsable de sentiments d'angoisse, de stress, de peur, qui s'appelle l'amygdale, et une autre qui est régulatrice, qui s'appelle le cortex préfrontal. Et habituellement, quand on est victime dans une ambiance de stress, on arrive à réguler ce stress grâce au couplage entre ces deux régions. Et apparemment, plus on a grandi dans un environnement urbain, moins on a la capacité justement de réguler ce stress-là. Donc ça, c'est un premier effet. Puis après, il y a les effets qu'on voit sur la maturation du cerveau, sur sa croissance. France, des études sur des enfants qui sont suivis sur plusieurs années. Et on voit, par exemple, chez les petits qui grandissent en milieu naturel, un développement plus vraiment visible en IRM, structural, de certaines parties du cerveau, la partie préfrontale notamment, ou les aires prémotrices, qui sont en partie responsables des capacités de concentration, de mémoire de travail, c'est-à-dire la capacité de garder à l'esprit des informations de façon stable. Voilà ce qui est important pour se concentrer. Les études que vous relatez dans votre magazine Cerveau et Psycho sont étonnantes parce qu'il semble que ne serait-ce qu'une photo, une image, c'est-à-dire que là, on n'est même pas au contact, hein, on ne ressent rien de l'environnement, on voit une photo de paysage naturel, et déjà, ça nous apaise, ça a un effet sur notre cerveau et sur notre physiologie. Oui, l'aspect visuel est important, c'est un des sens qui est mobilisé quand on fait une promenade en forêt, par exemple, et ce qui est fantastique quand on est immergé dans un milieu naturel, c'est que tous les sens sont sollicités. Mais c'est vrai que si on se limite, par exemple, à la vue, le fait de voir une photo d'un environnement naturel, ça a déjà un effet. Et ça a été effectivement quantifié grâce à des outils d'analyse de l'image, des outils mathématiques, par exemple, qui isolent certaines caractéristiques géométriques des images, comme la dimension fractale. Vous savez, dans un motif, vous pouvez avoir des zones du motif qui se reproduisent à différentes échelles. C'est ce qu'on voit, par exemple, sur un rameau. D'un arbre, par exemple, il y a les feuilles qui sont de part et d'autre du rameau. Et puis, dans une feuille, il y a aussi de part et d'autre des nervures. Si vous regardez les aiguilles de pin, c'est comme ça que ça se passe. Et la dimension fractale d'une image a un effet qui est direct sur le cerveau. Simplement visuellement, ça provoque des ondes qu'on appelle les ondes alpha, qui sont caractéristiques des états de relaxation. Nous allons voir ce que les scientifiques ont compris de la façon dont la nature agit sur notre cerveau dans la suite de La Tête au Carré. Et pour adresser vos questions à nos invités, il y a la page de l'émission sur franceinter.fr. C'était Song for Winners de Nick Waterhouse sur France Inter. La Tête au Carré, les mercredis psy et philo, avec Daniel Fievé sur France Inter. Commencez à l'embrasser, l'entourez de vos bras. Du coup, laissez-vous poser sur l'arbre, laissez l'arbre vous soutenir. J'y trouve beaucoup de sérénité. D'ailleurs, j'ai beaucoup bâillé tout à l'heure. Un instant paisible, un temps de paix, c'est ça en fait, un temps pour soi. Et pour moi, les forêts, c'est un espace où on peut sentir qu'on est vivant. On ne fait rien, ce n'est pas théorique, ce n'est pas mental. On vient et on se pose et on sent qu'on est vivant. On profite des instants de la vie. Et ça a quelque chose de magique. Oui. Une séance de sylvothérapie dans la forêt. On s'intéresse aux bienfaits de la nature sur notre cerveau avec Alix Kosker, chercheuse en psychologie environnementale au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive de Montpellier, et Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho. Quel regard vous portez, Alix Kosker, sur la sylvothérapie? Est-ce qu'on est vraiment encore dans une approche scientifique ou est-ce qu'il faut y voir plus de la poésie ou une recherche de bien-être? Alors, est-ce qu'on est encore dans une approche scientifique ? Peut-être qu'on est dans une approche scientifique naissante, parce que cette sylvothérapie, elle se fonde notamment sur un certain nombre d'études qui se sont beaucoup développées les dernières années, notamment par exemple par des chercheurs japonais qui ont beaucoup étudié ces milieux de forêt et qui ont mis en avant un certain nombre de bénéfices issus de la fréquentation de ces forêts-là, et même parfois de la fréquentation de différents types de forêts, ayant des impacts positifs différents sur la santé, sur le psychisme. Mmh. Clairement aussi sur une recherche de bien-être, mais de quelle manière cette sylvothérapie peut se mettre en place, je pense que pour le moment on en est un petit peu qu'aux prémices. Mm-hmm. Par ailleurs, les forêts, c'est des environnements très immersifs, donc qui possèdent cette capacité aussi à provoquer un sentiment de bien-être assez conséquent. Mais il y a aussi très clairement d'autres environnements de nature qui jouent sans doute un rôle identique et qui sont encore pour le moment moins étudiés. Mm-hmm. Plusieurs études scientifiques mettent en évidence les effets de la nature sur notre cerveau, Sébastien Boller. Donnez-nous quelques exemples. Il y en a beaucoup. Hein. J'étais surpris de voir qu'autant de chercheurs avaient abordé la question et sous des angles assez divers finalement. Ah oui, bah les exemples abondent effectivement. Il y a une chose qui me fait penser à ce que disait cette dame qu'on entendait dans le reportage, oui. Sur l'apaisement. Il y a par exemple effectivement des études d'imagerie cérébrale qui ont montré que en milieu naturel, il y a une certaine partie de notre cerveau qui ont tendance à baisser d'activité dans des zones frontales. Et ça expliquerait pourquoi on a tendance à ce moment-là à peut-être moins ruminer des idées négatives. Ce sont des structures cérébrales qui sont souvent hyperactives quand on est dépressif, qui font qu'on n'arrête pas là de ressasser des problèmes, qu'on n'arrive pas justement à atteindre cet état d'apaisement, de relâchement, de se décentrer un petit peu. Voilà. Et je crois que un des effets de la nature, c'est vraiment ça aussi. Alors, il y avait quelque chose d'un peu plus amusant dans ce que disait cette dame, c'est qu'elle avait tendance à bâiller, à s'endormir. Oui. Alors là, je pense que ça dépend beaucoup des gens, mais normalement, quand on connaît la forêt, quand on est immergé en milieu naturel, ça produit plutôt un effet de relaxation, certes, mais éveillé quand même. C'est-à-dire que le but, c'est de réapprendre à être sensible à des faibles bruits, des faibles stimulations. Alors peut-être que dans les premiers pas où on retrouve le milieu naturel, quand on est habitué à avoir des stimulations très fortes en milieu artificiel, tous ces écrans qu'on voit en permanence, tous ces sons, tous ces klaxons, et qu'on se retrouve en milieu calme, on se dit « ouf, je vais pouvoir dormir un peu ». Mais normalement, non, le cerveau doit atteindre un état d'éveil relâché. Et c'est ça, fondamentalement, qui est le fonctionnement optimal du cerveau, qu'on voit aussi à travers une meilleure synchronisation des différentes aires cérébrales. Avec aussi des effets physiques, pas seulement psychiques. Hein. Vous parlez des défenses immunitaires qui seraient renforcées justement au contact de la nature. Ça, c'est étudié, ça aussi ? Oui, effectivement des études qui ont montré, alors il faut encore qu'elles soient confirmées, c'est que notre système immunitaire tend à se renforcer en milieu naturel. Et c'est probablement lié aussi à un soulagement du stress, parce qu'on sait que le stress et l'immunité sont très liés. Alors les cinq sens, vous le disiez, les cinq sens sont sollicités. Vous nous parliez de la vue tout à l'heure, mais l'odorat, hein, des substances volatiles qui ont un effet très concret sur notre organisme. Là aussi, on a vraiment testé ça de façon minutieuse. Oui. Alors ça, c'est peut-être Alix Kosker qui pourrait nous en parler plus, parce que vous parliez tout à l'heure des différentes forêts aussi, c'est peut-être lié à ça. Oui. Par exemple, on a étudié le rôle des ce qu'on appelle les phytoncides, donc c'est un terme générique pour désigner différents composants chimiques qui sont présents dans la nature, notamment qui sont émis par les arbres. Et par exemple, une étude qui a montré que l'inhalation de cédrol, donc c'est une substance qui est produite par les arbres de la famille du cèdre, diminue la fréquence cardiaque et va amener à respirer plus lentement et plus profondément, ce qui entraîne une diminution de la pression artérielle et donc du stress. Mais alors, ça veut dire qu'on peut s'en servir presque comme médicament, un peu comme des huiles essentielles. Si on respire ces odeurs chez soi, ça peut déjà avoir cet effet relaxant? Alors, possiblement, oui, j'imagine. Alors, dans la nature, ce sont des composants qui sont présents en très très faible quantité. Mm-hmm. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir des études sur la manière de transposer les bénéfices de cette exposition de pleine nature à un environnement plus familier chez soi. Alors, plus facile aussi, on peut se diffuser des sons d'oiseaux. Là aussi, les chercheurs, pour isoler chacun des stimuli auxquels nous sommes confrontés dans ces environnements de nature, se sont amusés à tester l'effet du chant d'oiseaux sur des personnes et ils ont vraiment mesurer un effet très concret. C'est ça, on a exposé différentes personnes, on leur a fait réaliser une tâche qui demandait un petit peu de stress, et ensuite on a fait écouter aux personnes différents types de bruits, et dont certains bruits qui étaient des bruits de nature, comme notamment des chants d'oiseaux, et la manière de récupérer beaucoup plus, on s'est aperçu que les gens récupéraient plus facilement du stress quand ils entendaient des chants d'oiseaux, effectivement. Ça va jusqu'au toucher, hein, c'est-à-dire qu'on fait toucher du bois plus ou moins verni, plus ou moins brut. Et là aussi, on observe des changements chez les gens. C'est ça. Par exemple, le toucher du bois brut, en l'occurrence, on observait une différence avec un abaissement assez bénéfique de la pression sanguine par rapport à d'autres types de panneaux de bois qui étaient enduits différemment, etc. Ouais. Voilà, il y a des recherches qui montrent qu'il essaie d'isoler ces différents types de composants par l'essence. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de vertu thérapeutique de la nature? C'est un peu tout le débat, Sébastien Boller. À mon avis, oui, parce que on sait qu'un des grands facteurs quand même de mal-être, y compris de maladies mentales et parfois de maladies somatiques, aujourd'hui, on est quand même dans une civilisation du stress, hein, de l'accélération des rythmes de vie. Donc, être capable d'agir quand même sur notre niveau de stress, c'est une entrée très importante pour à la fois en prévention et même dans certains cas en prise en charge d'états pathologiques. Donc certainement, moi de toute façon, les statistiques sur les maladies mentales, avec ces 55% de risque en plus de développer une maladie mentale quand vous avez grandi en milieu urbain, répondent à cette question. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un effet, si ce n'est thérapeutique, en tout cas protecteur, et les témoignages des personnes qui se remettent un petit peu en contact comme ça avec l'élément naturel montrent que même peut-être qu'on pourrait récupérer assez rapidement d'états de tension ou de vide de sens ou de conflit intérieur, à condition de prendre des habitudes régulièrement. Ça peut être une fois par semaine. Alors, dans un parc, c'est pas tout à fait comme dans une forêt. Il y a quand même la question de l'immersion qui est importante. Tout à l'heure, on a parlé des huiles, des essentiels. Vous parliez après du bois, du chant d'oiseau. Alors, on pouvait se dire, il faut se passer un chant d'oiseau en touchant un morceau de cèdre et puis en respirant. Ouais. Mais toutes les données qu'on a sur la synchronisation des différentes zones cérébrales, elles insistent sur la notion de multimodalité, c'est-à-dire que quand plusieurs sens sont activés de façon synchrone, de façon congruente, au même moment, c'est là qu'on obtient véritablement un effet de synchronisation cérébrale. Et donc, il ne faudrait pas croire qu'on peut simplement importer des bouts de forêt artificiellement dans des flacons chez soi. Il faut vraiment penser à la façon d'être plus en interpénétration de notre vie aujourd'hui, qui est largement urbaine, à peut-être faire venir la nature dans les villes, ce qui est de plus en plus la tendance. Et on l'a fait venir aussi dans certains hôpitaux qui ont maintenant des jardins thérapeutiques. Exemple, au CHR rue de Nancy. Je vous propose d'écouter la neurologue Thérèse Jonvaux, qui est interviewée dans votre magazine Cerveau et Psycho. Elle explique comment le jardin thérapeutique a été pensé. On va faire un petit tour dehors. Oui, prendre l'air avant le repas de midi, justement. D'accord. Chaque sens qui apporte une information, que ça soit l'ouïe, que ça soit l'odorat, que ça soit la vue, que ça soit le son, que ça soit le tact, va faciliter l'accès en mémoire ou l'accès au niveau du langage à une information. Donc il nous fallait des couleurs, il nous fallait des senteurs agréables, il nous fallait le bruit des oiseaux, mais aussi des mobiles sonores, puis le bruit de l'eau. Il nous fallait aussi des choses à toucher qui soient très variées, très différentes. Tout ce travail justement autour du tact qui a été fait par le sculpteur. Voilà. Au soleil, il fait bon là. Pour l'hiver, je trouve ça agréable. J'aime bien le coin pour le repos, c'est bien. Pour les malades, moi, je trouve que c'est calme et puis c'est calme en étant vivant. Ce jardin magnifique est un atout pour les personnes hospitalisées ici et notamment pour ma famille et maman. Elle vient, elle se pose dans des endroits, elle aime bien être seule, comme elle le faisait dans sa véranda et lorsqu'elle se retrouvait dans son jardin. Et elle s'y sent bien, elle est apaisée lorsqu'elle est dans ce jardin. Sébastien Boller, ils apportent réellement quelque chose aux patients, ces jardins thérapeutiques, et puis plus généralement aux familles des patients qui viennent les voir. Ils ont plusieurs fonctions. Oui, c'est un des aspects importants à souligner pour les jardins thérapeutiques, c'est qu'effectivement ça favorise en fait les rencontres qui se déroulent dans un milieu naturel, ont une autre coloration que celles qui se font dans l'univers quand même assez froid et aseptisé de l'hôpital. C'est au départ, c'est quand même un peu la réflexion, c'est que en milieu de soins, souvent le patient est bloqué par un certain nombre de c'est son environnement qui est un peu froid, qui est un peu pauvre. Hein, c'est quand même quelque chose de très important pour la capacité de plasticité du cerveau, la richesse de l'environnement. C'est quelque chose qu'on sait depuis des décennies maintenant, grâce à des travaux au départ qui ont été faits chez l'animal et puis ensuite chez l'être humain. C'est que quand vous êtes dans un milieu qui est riche en diversité de couleurs, de formes, de contacts, ça stimule la production de nouveaux neurones dans le cerveau. Et y compris chez une personne adulte. Là, on sait depuis peu que notre cerveau, jusqu'à au-delà de 80 ans, serait capable de produire de nouveaux neurones. Et que cette capacité de neurogenèse dépend en grande partie de la richesse du milieu où on est plongé. Alors ce lien avec la nature, hein, évidemment on est tenté d'imaginer tout de suite une forêt, des espaces gigantesques, mais on a l'impression que ça peut être plus modeste ce contact avec la nature. Par exemple Catherine vous dit sur internet, savoir réserver un carré d'herbe folle dans son jardin ou sa pelouse, c'est déjà respecter un minimum une nature indispensable. Vous êtes d'accord Alix Kosker? Ça doit vous rappeler certains des témoignages que vous avez recueillis pour vos études. Oui tout à fait, c'est pas seulement le type de nature qui est important, c'est aussi l'attention qu'on va y mettre. Et effectivement, autour d'un pied d'arbre, par exemple, ou en ayant des plantes chez soi, ou en interaction avec des animaux, ou en prêtant attention à un paysage naturel, etc., on est déjà dans une forme d'attention, et c'est aussi très important. Aujourd'hui, 80% des Français vivent en zone urbanisée. Comment se reconnecter avec la nature? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et puis vous répondrez aux questions nombreuses qui arrivent pour vous de la part des auditeurs. Même si personne ne se laisse aimer, je désire ce qui tremble, qu'aucune journée ne se ressemble. Je dis ça pour que tu comprennes. J'attendrai pas que la tendresse vienne, je l'ai mouché jusqu'au sang. Ma timidité d'adolescent. Tous ces bras Les yeux mouillés, c'était Chris sur France Inter. Le temps qu'il ferait, les sources cachées, il nous les révélait en échange de serments solennels. Croix de bois, croix de fer, si je mange, vais en enfer. Il savait les ravins où l'on trouve les champignons, des salades sauvages, des pins amandiers, des prunelles, des arbousiers. Il connaissait au fond d'un hallier quelques pieds de vigne qui mûrissaient dans la solitude des grappes aigrelettes, mais délicieuses. Il prenait une branche bien sèche de clématite, il en coupait un morceau et on pouvait le fumer comme un cigare. Le petit Marcel Pagnol, dans La gloire de mon père, se remémorant tout ce que son amie Lily lui a fait découvrir, pour parler donc dans cette émission consacrée aux bienfaits de la nature sur notre cerveau. Sébastien Boller, rédacteur en chef de Cerveau et Psycho, et Alix Kosker, chercheuse en psychologie environnementale. Il est important ce lien qui se noue dès l'enfance avec la nature. On voit les souvenirs impérissables qu'il laisse. Alix Kosker. Oui, il est important, et on voit dans l'extrait, par exemple, il y a une expérience avec la nature, mais il y a aussi une expérience sociale, parce que souvent, la nature, on la vit pas seule. Et ça renforce cette expérience-là. En fait, c'est multiple. C'est pas seulement être au contact de la nature, c'est avec qui on va avoir cette expérience. Et lorsqu'elle est positive, ça renforce cette connexion-là. Alors, Mireille vous demande comment faire profiter des bienfaits de la nature aux enfants qui habitent en ville. En l'occurrence, c'est le cas du petit Marcel, qui va à la campagne pour ses grandes vacances, mais qui vit sinon le reste du temps en ville. Faut pas forcément aller chercher très très loin. Effectivement, il y a le temps des vacances peut-être pour aller dans des environnements de nature plus préservés et plus extraordinaires, etc. Mais on peut très bien aussi avoir la nature près de chez soi. D'ailleurs, la nature en ville, elle existe. Oui. On peut déjà la faire rentrer chez soi avec des plantes, avec des animaux, faire pousser des graines, des choses comme ça qui sont des choses accessibles et qui permettent très bien aux enfants de se rendre compte du vivant. Et de quelle manière le vivant a besoin qu'on s'occupe de lui, etc. On peut également, dans une autre version, transporter ses propres loisirs à l'extérieur. Donc pas forcément aller vers l'environnement dans une perspective naturaliste, mais simplement faire ce qu'on fait à l'intérieur, le faire à l'extérieur. Lire un livre, par exemple, aller faire un jeu dans un parc, etc. Ouais. Mm-hmm. Sébastien Boller. Oui, alors je crois que c'est très important, cette notion d'éducation. Parce que pour se sentir bien dans la nature et pour en apprécier les bienfaits, souvent il faut être guidé dans cet univers-là. On en fait l'expérience d'ailleurs quand on fait une sortie en pleine nature avec un guide, mais on peut être le guide aussi de ses propres enfants, par exemple en leur offrant des livres qui donne les différents noms des arbres, les différents noms des animaux, parce que l'humain n'est pas un animal comme les autres. Il aime donner des noms aux choses, il aime savoir les repérer. Si vous avez donné un vocabulaire à l'enfant pour désigner les différentes essences d'arbres et qu'ensuite vous sortez en forêt, à ce moment-là, l'expérience sera enrichissante. Par contre, si vous l'emmenez comme ça, sans aucun bagage pour se repérer, il ne verra pas le pin, le bouleau, le chêne, et ce sera pour lui comme les mêmes arbres. Donc je crois qu'il y a un rôle d'initiation qui doit être fait par les parents quand ils peuvent, et parfois, les parents ne savent pas non plus, donc faut peut-être prendre le temps aussi de découvrir ça ensemble. Et puis l'école aussi. Et puis l'école. Qui le fait voilà. Déjà. Alors il y a des expériences de nature. Oui, il y a des expériences pilotes. Notamment, ça a été évalué scientifiquement. Il y a des expériences pilotes en Grèce où on a créé des jardins, à l'école, où on amène les enfants à créer leur petit potager, leur petit jardin. Ça arrive en France aussi, même si ça n'a pas été vraiment quantifié. Mais ce qui est très important, c'est de voir qu'en fait, quand ça se fait assez tôt, l'enfant, on voit qu'il est fait pour ça, quoi. Il a un instinct. Il l'accroche vraiment. Et surtout, je crois que c'est une dimension essentielle qui est la dimension du temps. C'est-à-dire que quand vous êtes un enfant et que vous êtes amené à planter une graine, à regarder le temps qu'elle met pour germer, à pousser, les saisons, l'arroser, ça vous introduit dans une temporalité qui n'a rien à voir avec celle qu'on fustige de plus en plus, qui est celle de l'immédiateté de tous ces enfants qui sont à regarder des vidéos, à toucher sur leur petit smartphone, et qui peut engendrer aussi des problèmes d'après de capacité d'attention, de stress. Donc, la nature est un stabilisateur de ce point de vue-là. Elle nous conserve la notion de rythme naturel, qui sont des rythmes longs. Donc l'enfant, il a cette potentialité, à l'école ou ailleurs, il faut l'amener vers ça, il en retirera des bénéfices à très long terme. Alix Kosker, vous travaillez sur un programme qui étudie le rapport des enfants à la nature, Air Marine Éducative, je crois qu'il s'intitule. C'est quoi le but de cette étude exactement ? Alors, Air Marine Éducative, ça c'est un dispositif qui est porté par l'Agence française de la biodiversité et qui s'adresse donc pour le moment aux écoles qui sont situées sur la partie littorale du territoire et qui propose de faire interagir une école avec une portion du littoral. Donc pendant l'année, les enfants vont se rendre plusieurs fois sur cet espace-là en étant accompagnés par différentes structures associatives, etc. pour découvrir ce milieu. Donc il y a une approche très participative, les élèves sont vraiment au cœur du dispositif et c'est eux qui vont mettre en place des projets de conservation, des projets, différents types de projets, en fait, c'est assez croisé au niveau des disciplines. Et donc l'idée de cette recherche, c'est d'étudier en quelque sorte quels peuvent être les effets d'un tel programme sur différents paramètres, à la fois le bien-être des enfants, le développement des apprentissages et également la sensibilisation à l'environnement. Ouais. Et l'envie ensuite de protéger cet environnement, une fois qu'on le connaît, qu'on l'aime forcément, c'est plus simple d'avoir envie de le protéger. Voilà, parce que... Alors Martine vous dit sur la page de l'émission sur franceinter.fr, jardinière paysagiste, je travaille en cité HLM et j'ai pris le parti de fleurir les lieux avec des plantes sauvages, fougères, primes verts, violettes. Les résultats ont été positifs, moins de dégradation, moins d'incivilité, plus de propreté et beaucoup plus de sourire. Ce sont des choses que vous avez observées aussi, Alix Kosker, cet effet positif sur le comportement des gens. Oui, c'est des choses qui ressortent dans des études, par exemple, le développement de relations prosociales qui est favorisé par la pratique en nature, notamment par exemple sur des groupes d'enfants, où on a observé plus de coopération, par exemple, entre les enfants dans des espaces de nature par rapport à des espaces fermés. Et alors Anne, inversement, s'inquiète. Quel impact peut avoir la suppression massive des arbres dans une ville? Je pense par exemple à Nantes, où plusieurs centaines d'arbres ont été abattus entre le Jardin des Plantes et l'extrémité ouest de l'île Feydeau, nous dit Anne. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Les habitants des villes détestent qu'on touche à leurs arbres et qu'on en abatte. Oui, peut-être parce qu'ils sont moins nombreux, ils sont d'autant plus précieux. Les arbres, oui, parce que les habitants des villes, eux, sont nombreux, mais les arbres sont moins nombreux, oui. Et les arbres sont moins nombreux et l'attention se porte, justement, c'est ce qu'on disait, sur parfois des petites choses, mais qui revêtent une importance assez, assez capitale pour certaines personnes. Et il y a ce double aspect à la fois de sensibilité environnementale justement qui se développe aussi au contact de cette nature. On parle de santé et de bien-être pour les effets personnels, les effets des individus, mais dans cette pratique, il y a aussi toute l'importance de côtoyer la nature pour y être sensibilisé et avoir envie de la préserver. C'est pas gadget alors toutes ces mesures que l'on prend aujourd'hui dans les villes, en tout cas dans certaines villes, pour ramener du vert, de la biodiversité, Sébastien Boller? Je pense que tout élément de nature est bon à prendre. Après, on peut très bien se dire que c'est pas fait dans des dimensions suffisantes. Mais je comprends très bien les habitants à qui on enlève leur arbre. Moi, je reste sur ma métaphore qui n'est pas une métaphore qui est réelle. Est-ce que vous voudriez qu'on vous enlève un bout de cerveau? Non. C'est bien ça qui se passe. Vous enlevez de la nature, vous enlevez quelque part des connexions cérébrales. Les gens le sentent. Donc, c'est pas gadget. C'est un début. Je sais pas jusqu'où on pourra aller. Les villes aujourd'hui, elles sont faites maintenant. Elles sont faites comme ça. On va pas changer Paris du jour au lendemain. Ça a été fait il y a un siècle. Les avenues sont ce qu'elles sont. On pourra pas gagner du terrain dans tous les sens. Mais il faut vraiment préserver tout ce qui peut être préservé, gagner tout ce qui peut être gagné. C'est au contraire d'un gadget, c'est vital. Quand, dans cette conversation-là, on est en train de se rendre compte qu'on parle de la nature comme d'un luxe. Ouais. C'est vrai que c'est un luxe d'avoir de la nature. Et c'est le paradoxe de notre histoire, c'est que ce qui était notre environnement par défaut, notre environnement naturel, aujourd'hui devient un luxe. Il faut vraiment réfléchir à ça. L'environnement où s'est construit notre cerveau, nous sommes prêts à le faire partir. Nous sommes en exil de notre nature. Ouais. Georges vous demande, en vous entendant parler des bienfaits de la nature et de la forêt en particulier, j'y vois un lien avec la méditation. Qu'en pensez-vous? Ah oui, un lien. Bah sur la question de la synchronisation des différentes aires cérébrales, des ondes alpha, tout ça, et de la stabilisation de l'attention. Il y a des points communs évidents, effectivement, la nature, effectivement, avec cette baisse de l'activité frontale, avec cette stabilisation de l'attention, avec le fait de retrouver du temps long, c'est quelque chose qui est aussi recherché dans la méditation. Et d'ailleurs, je crois qu'on médite beaucoup plus facilement en milieu naturel. Mmh. Il y a un lien, Alix Kosker, avec la méditation, ça se marie bien avec la nature? Oui, mais on est, c'est pareil, on est sur cette notion d'attention qui est portée. Donc, dans la méditation, c'est plutôt une attention intérieure portée, portée à soi-même. Et dans l'expérience de nature, on est plutôt sur une attention vers l'extérieur en ouvrant ses sens, etc. Mais c'est la même, c'est la même démarche. Alors, ça rejoint la question de Jean-Paul. Peut-on considérer qu'il y a plusieurs manières d'aborder la nature et ses bienfaits? Être contemplatif, c'est-à-dire recevoir, ou bien en tant que naturaliste, en comprenant les mécanismes de la nature? C'est vrai qu'il y a plusieurs façons hein, d'en profiter de cette nature. Tout à fait, il y a différentes manières d'être dans la nature et différentes manières d'en profiter. Et sans doute, les différents modes de relation avec la nature ont des effets sans doute assez différents aussi. Je crois que ce sont ceux qui la connaissent la mieux qui en profitent le mieux. Plus on a justement ces connaissances de fond, qu'ont souvent d'ailleurs les agriculteurs, hein, pas seulement les scientifiques ou les forestiers, plus on connaît précisément comment fonctionne l'écosystème, plus on profite de moindres détails qui changent dans l'environnement, plus on est à même de le déceler et d'en saisir la valeur. Je pense qu'il faut vraiment insister là-dessus. Souvent, c'est un petit défaut qu'on a encore aujourd'hui, ces nouvelles générations de personnes qui veulent aller vers la nature, qui ont ce désir écologique, mais qui ne connaissent pas. Et il faut aller vers de la véritable connaissance, parce que c'est quand on connaît une chose qu'on lui donne de la valeur et qu'on évite de lui imposer des dégâts. C'est très très important. Quel conseil, allez, pour terminer là en 10 secondes, quel conseil on donne à des auditeurs qui sont coupés de la nature, qui sont un peu fâchés, pour se reconnecter avec la nature? Là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ce week-end? Bah, s'acheter une plante verte et s'en occuper. Ça peut être un bon début, hein, s'acheter une plante verte. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Pour en savoir plus, je rappelle que le dernier numéro du magazine Cerveau et Psycho est en kiosque, avec pour titre « Comment la nature fait du bien à notre cerveau ». Et merci à Élise Christophe qui était à la technique aujourd'hui. Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles. Aujourd'hui, le jour où les Américains ont égaré une bombe atomique. Vous écoutez France Inter, il est 15h.